et le music hall ont un goût d'alcool ce soir. Lumière dans ses cheveux blancs, elle parle en tremblant d'hier. Elle rêve, la star des années 30, d'un cabaret qui chante au loin. Elle lève son verre à la santé des rues désenchantées, du vieux Berlin, loin. Et sur un air d'accordéon, son nom sur le néon. Le temps l'a démaquillée, comme elle a brillé. Pourtant, là-bas, sur la scène bleue, où ce soir il pleut, pourquoi?